Ya na na na na na na na. Ya na na na na na na. Ya na na na. Ou vle ma moitié, moi vle ou tout entier. Kon sa nou te kon jwele, nou te tout piti. Sa te kon fèm plezi, tout la jounen tap souri. Ta koude inosan, pa katan pou te grandi. Oh, oh. Se sa mte toujou vle, di merci bon Dieu, merci la vie. Mwen vle ou pi prene jou an jou, sa nou pa jam fè yede tou. Rêve à nous accompli. Yann paye pour la vie. Pas gen place pour nous jouer. Jouette qui ka fait kagou. Jouette nous gen pour nous jouer. C'est pour l'amour vin be please. Oh, oh. C'est ça m'de toujou vle. Dis merci bon Dieu, merci la vie. Mouen vle ou pipe de jou en jou. Ça nous pas j'en fais y'a de tout. Ya la la la. Ça nous pas j'en fais. Pour nous porter la vie, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous foncer le corps de famille. Les nagetti moun pour nous élever, passion nous seule va guider yo. Qui bel cadeau que nous avons, c'est souvenir l'amour nous. Mes chéris, c'est pour mieux, oui, mais c'est normal. Dévoiler sentiment pour gade, gade wawe. Sentiment gen pou ou. Feeling ou bam feke mwen lou. Sentiment gen pou ou. Dishou, dishou, dishou, ou son tou badou. Sentiment gen pou ou.